2-1-0. On va parler de pêche blanche. Il y a un gars de la baie qui a pêché un flétan d'une centaine de livres, évidemment, tout près de l'auberge des Battures à Ville-de-la-Baie. Et question de savoir un peu, qu'il nous raconte un peu son expérience. On lui parle, c'est Junior Morin. Bonjour, Junior. Hey, bonjour les gars! Junior, si on parlait un peu de ton expérience, est-ce que c'est le plus gros poisson à vie que tu as pris? Oui, c'est le plus gros à vie que j'ai pris, mais pas le plus gros que j'ai vu sur la baie, genre. OK. Dis-moi, 2 heures de temps, c'est une méchante job. Ah, c'est minimum 2 heures. Tu sais, on a abrégé un peu, mais c'est fou, là. J'ai encore mal au bras 2 jours après, puis j'ai pas pêché. J'ai de la misère à me reconcentrer à pêcher. OK. Donc, ça tire autant que ça. C'est sûr que de la pêche blanche, c'est vraiment. C'est des cannes spéciales, mais ça tire autant. Je te dirais que j'ai pogné du saumon, puis j'ai pogné de la wananiche, puis des brochettes 20-25 livres. J'en ai pogné des poissons. Il n'y a rien qui se compare à ça, là. OK. Un bon rayé, là, c'est rien encore, un bon rayé de 15-20 livres, là. OK. Dis-moi, quand ça a commencé à mordre, est-ce que tu as vraiment commencé à réaliser que c'était un flétan, puis c'était un gros que tu avais au bout de la ligne? Ça a pris 3 secondes. 3 secondes, OK. Ça a pris 3 secondes que je savais que c'était gros, là. J'ai jamais vu mon reel, mon moulinet, là, défiler comme ça, puis partir pendant 100-200 pieds, là. Ouais. J'avais jamais vu ça. Est-ce Ouais, que tu as eu j'avais jamais vu besoin ça. d'aide pour aller le. Oui. Personne n'est capable de sortir ce sol, là. Moi, OK. vu que c'est le COVID, là, vu que c'est le COVID, là, mon Ouais. ami pêchait dans sa tente à côté de moi, là. Pour pas qu'on soit tous les deux dans la même cabane, mais c'est pas de même que ça a viré. Là, quand je l'ai ferré, j'ai crié à mon chum Dominique Janel, il était dans sa tente. Dominique, j'ai un monstre. Il est sorti de sa tente, puis il est venu m'alper du début ou à la fin. Là. Il a tout vu ça au complet, mon chum. OK. Puis il pèse 100 livres le flétan. Donc, Ben là, moi. je vais dire à le lever, là, je te dirais, c'est entre 90, là, 100 environ, là, mais c'est pas loin de 100 livres, c'est sûr. Le plus gros, c'est 300 qu'on peut pêcher. Ah, il y a 300-400 livres, 500 livres dans OK. ces poissons-là. Là. La loi est drôlement faite. Là, tu sors du Saguenay, tu as le droit de le garder, les pêcheurs commerciaux. Puis moi, ben, je suis obligé de le remettre à l'eau, Ah. même si la bête est portée, là. Ça, c'est incomprenable. Tu as le droit, les compagnies ont le droit, mais moi, j'ai pas le droit, genre. Donc, c'est un trophée, mais t'auras pas l'occasion d'y goûter réellement, puis de vraiment profiter pleinement de ton expérience, là. Ah, je vous le jure que c'est à contre-cœur que j'ai remis ça à l'eau, Ben là. oui, c'est sûr. Moi, j'ai deux enfants, j'ai une femme, on est quatre, c'est des ados que ça mange en masse. Ça aurait été le fun, ça, de manger ça tout l'hiver et puis pendant l'été. Ça vaut 20-25 $ la livre, ce poisson-là. Là. Et t'as oui. Moi, c'est comme si j'ai remis 2 000 $ à l'eau, là, juste pour la loi, dans le fond, là, tu sais. Ah, c'est sûr que c'est plate, me dire comme toi. Parce que est-ce que 20-25 $ le livre, ça doit être un méchant beau poisson, puis il doit être très bon. Ben, c'est sûr. Regardez comment ça coûte. Ça vaut les Ouais. yeux de la tête, un poisson de mer. Il y a plein de pêcheurs qui en pognent dans le fleuve, là, puis un petit peu partout. Puis eux autres, ben, c'est la grosse ligne morte avec une winche. Je t'envoie en haut, là. Ouais. C'est pas partout pareil. Ben, Ouais, regarde. c'est sûr que ça. Toi, tu pêches-tu beaucoup? Comment c'est que tu fais de la pêche blanche? Moi, je viens en plus de Grande-Baie où c'est né un peu la pêche blanche. Puis j'ai 46. Ça fait au moins là, 30, 35 ans que je vais sur la baie puis je pêche. Il y a des années qu'on pêche pas trop, mais là, si on pêche plus, c'est depuis un bon petit bout. Donc, à vie, c'est ton plus gros? Oui, c'est la première fois que je pique de quoi de même. Puis une petite anecdote, le 2-3 jours, la journée avant que j'ai pogné mon flottant, j'ai eu une attaque semblable. Puis ça, OK. quand tu as une attaque de même, tu t'en rappelles. Là, ta ligne, elle part en montant. La première fois, j'ai donné un coup dans le vide, j'ai cassé ma canne. OK. Là, la lendemain survenue, ma ligne est repartie identique à l'autre journée. Là, j'ai roulé 5-6 coups de tour vite, vite, vite, vite, vite pour prendre le mou. Puis là, j'ai donné un coup, je l'ai ferré. N'oublie pas ça, là. Non. Avant ça, le plus gros poisson que tu avais pêché avant celui-là, c'était quoi? Bon, c'était des brochets, des morues de 20-25 livres, OK, là, t'as ouais, des c'est toute une turbos. différence. Une méchante Ouais, différence. là, tout est différent. À Grande Baie, comme pêche, à part le flétan, y a-t-il quelle sorte de poisson qu'on peut capturer? Ben moi, dans le fond, là, je pêche le poisson de fond. Là. On pogne du sébaste, c'est les poissons rouges, qu'un petit peu tout le monde connaît. Ensuite, c'est du turbot, les poissons comme du flétan, mais plus petits, pas la même sorte. On le fait mariner dans le vinaigre, c'est super bon. Il y a de la morue aussi qu'on pogne. C'est comme un gros sac à surprise à Saguenay. On ne sait jamais ce qu'on peut pogner. Il y a même des journées qu'on pogne du crabe après nos lignes. On monte des crabes. Il faut les remettre à l'eau aussi, les crabes, en plus. Tu sais. Ah ouais, c'est sûr. Dis-moi, avec la COVID cette année, ça a changé beaucoup la pêche blanche? Ben, tout le monde s'isole. Au lieu C'est qui est de plate? deux, trois dans la cabane, tout le monde un peu partout. Puis des petites cabanes et des tentes, là, ça pleut. C'est la frénésie, la pêche, tout. C'est un peu l'une des seules choses qu'on peut faire en plus en pandémie de même. Là, le monde en profite, le plein air. C'est une bonne chose qu'ils nous aient pas coupé ça. Là. Le monde, ça fait penser le temps au monde et tout. C'est correct. Ben, Junior, m'a te félicité quand même. C'est un méchant beau poisson, un flétan de 100 livres. J'ai vu les photos sur Facebook. Un gros, gros, gros félicitations pour plaisir peut-être de se reparler un autre pour tes exploits. Ça a déjà arrivé qu'il y en a qui en pognent un, mais moi je veux en pogner deux. Ah, c'est clair. C'est comme, ça doit être comme un trou d'un coup au golf. Ça, tu dois pêcher juste une fois, puis même des fois, il y en a qui pêchent à l'année puis qui font pas ça, là. C'est un peu le même principe. J'ai plein de voisins de cabane que ça fait 50, 60 ans qu'ils pêchent, puis ça n'a jamais arrivé, là. Ouais, effectivement. Effectivement. Moi, je vais à chasse à l'orignal en masse, là, puis. Je vous dis, un orignal de 40-50 pouces, c'est rien à comparer de pogner un poisson de même. Ben, Junior, félicitations, bravo, puis au plaisir de s'en parler. Merci, bye. Il a capturé un flétan de 100 livres. Junior.